Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion, pas de problème! Balado-diffusion où quatre experts en rien s'improvisent, experts en tout, le temps de trouver des solutions à votre problème et d'imaginer un monde merveilleux où tout le monde a accès à un butt plug et de la hot sauce. Donc, ici Frédéric Barbouchy, accompagné de Martin Boily. Bonsoir Frédéric. Salut Martin. Simon Rousseau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Martin. Salut. Salut Simon. Et Mathieu Bouillon. Allez. Réveille-toi, Frédéric. Nous sommes de retour dans cette bonne vieille année 2014. Tu veux dire Frédéric ou Yves Saint-Laurent? OK. Pierre Cardin! C'était Pierre Cardin. Donc, ouais, pourquoi toutes ces allusions? Retour vers le futur. C'est notre problème de cette semaine nous vient de... Futur! Oui, mais Rémi Vachon, qui on a réglé un problème très récemment quand oui, même. Oui, c'est vrai. Eh bien, il nous revient en force avec ce problème épineux, s'il en est un, Martin. Rémi Vachon va comme suit. Pas de problème. Il m'est arrivé un événement vraiment particulier. J'étais dans une ruelle et soudainement, j'ai été aveuglé par un énorme flash et un bruit de craquement assourdissant. J'ai dû me protéger les yeux pendant quelques secondes. Ensuite, lorsque j'ai pu recommencer à distinguer ce qu'il y avait devant moi, j'ai aperçu un vieil homme nu, debout, sans aucune pudeur. Il me donnait une sensation de déjà-vu. Il s'est avancé vers moi et s'est mis à me parler en utilisant mon nom comme s'il me connaissait déjà et comme s'il savait à l'avance que j'allais être à cet endroit précis, à ce moment précis. Il m'a dit « Bonjour! Je n'ai pas beaucoup de temps avant que la brèche se referme, donc je serai bref. » Tu dois absolument commencer à construire une machine à voyager dans le temps. Si tu te demandes pourquoi tu dois le faire, sache que je n'ai vraiment pas le temps de t'expliquer le problème particulier qui fait que tu dois le faire. Parce que lorsque la brèche va se refermer... Soudainement, il y eut un immense craquement et un autre flash de lumière aveuglant. Lorsque j'eus repris mes sens, l'étranger nu avait disparu. Pas de problème. J'ai besoin de donner un sens à ce moment bizarre de ma jeunesse existence, de ma jeune existence, pardon. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver les problèmes qui pourraient faire que j'aie besoin, dans le futur, d'une machine à voyager dans le temps. Je compte sur vous, Banjo Bouchon. PS, si un podophile sait comment se procurer un transvecteur bilinéaire à induction, s'il vous plaît, me contactez en privé. Merci. Check chez H. Grégoire. Je sais pas si on sait, hein? Ouais. Avoir besoin de clarifier certaines choses avant moi de m'avancer un peu plus loin. Comme quoi? Ben, tout d'abord, j'aimerais clarifier que dans ce que tu as dit dans ta présentation, techniquement, tout le monde a en ce moment accès à un butt plug et de la hot sauce. Là. C'est vraiment pas des armes extraterrestres. Là. Non, tout le monde a accès à ça. Là. Non, mais je veux dire, où tout le monde. A accès, comme tout le monde en a. Possède. Oui. Ah, voilà. Oui, c'est tout le monde possède. Accès rapidement, là, comme accès oui, rapidement, un instant, je sors le mien. Oui, c'est vrai. Ouais. Possède, c'est autre chose. Mais l'autre chose, qui est venu lui parler exactement? On ne sait pas. Est-ce que c'est lui plus vieux? Mais c'est on ce qu'on pas. En déduit. On en déduit ça. Mais là, mais... sa question, là, est épineuse, pas à peu près, parce que c'est pas dans notre habitude. On s'appelle pas de problème, on trouve des solutions aux problèmes. Lui, il veut qu'on lui trouve des problèmes ouais. qui pourraient faire que... On n'est pas dans un bizarro ici, hein, ouais, formule qu'on a rapidement flushé. C'est pas fini. Aidez-moi à trouver des problèmes qui pourraient faire que j'aie besoin dans le futur d'une machine à voyager dans le temps. Il y en a plein de ces problèmes-là. Moi, c'est ça que je dis. En général, tu as besoin d'une machine à voyager dans le temps pour pratiquement toutes les erreurs que tu peux faire ou pratiquement toutes les opportunités que tous tu les problèmes saisir. qu'on a solutionnés depuis le début, si, parce qu'on s'est déjà fait reprocher d'offrir des solutions qui faisaient en sorte de ne pas vivre le problème. Ouais. Donc, la machine à voyager dans le temps peut régler plusieurs des problèmes. Ouais. Et empêcher des répercussions dramatiques. Ouais, notamment, je me souviens du problème de... Marie-Pierre Nommé qui avait brûlé le chat de son voisin. Non, avait chié dans son barbecue. Du caca de chat dans le barbecue. Oui, barbecue. C'est ça. C'est ça, là, c'est tu un cas de machine. Dans... Oui, oui, oui. Ouais, mais je pense pas qu'on peut régler tous les problèmes qu'on a avec une machine à voyager dans le temps parce que on le sait tous, une machine à voyager dans le temps, c'est extrêmement dangereux. Le paradoxe, l'effet papillon. Ça peut créer plein de problèmes. Donc, on n'utilise pas ça pour aller chercher une pinte de lait qu'on a oublié d'acheter. Là, il faut que le problème soit assez important pour qu'on soit prêt à remettre en jeu. Et il l'a appelé Banjo. Il l'a appelé Banjo. Donc, c'est un podophile, forcément. Il est juste dans le podcast qu'on l'appelle Banjo. Et si jamais c'est lui-même qui revient, parce que pourquoi il... Je pense que c'est lui. Mais il aurait reconnu son propre pénis. Non, mais il était tout nu. Oui, mais il serait reconnu son propre pénis. Mais peut-être que ça l'est fait amputer depuis le temps. Oui, je sais pas, moi. Ils ont changé. Non, mais... Il est vieilli, tout ça. Mais le fait qu'il s'appelle Banjo, peut-être que dans le futur, il assume totalement son nom de Banjo. Oui. Que pas de problème. Que Mathieu l'a baptisé Banjo. Et peut-être que pas de problème est rendu trop grand. Trop gros. Peut-être qu'on maîtrise le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il serait revenu du futur, là où il y a probablement beaucoup plus de technologie pour construire une machine à voyager dans le temps, pour retourner dans le passé, pour demander à son soi passé de retourner, tu sais, de construire une machine dans le temps. Alors qu'il serait probablement mieux placé que son passé lui-même pour construire cette machine-là. Mais attends, peut-être que celui qui est revenu s'est fait avertir trop tard. Fait qu'il est revenu un peu plus tôt pour lui dire... Puis moi, j'ai une théorie, Simon. Peut-être qu'il y a une ressource naturelle qui est épuisée dans le futur, mais qu'au moment où il est revenu, via une brèche magique, c'est encore possible de créer la machine. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, la machine du futur, la brèche magique est extrêmement instable. Oui. Ça sonne un peu Terminator, là. Tout nu... Oui, mais c'est pas long. Il y a vraiment pas le temps. Mais d'ailleurs, il y avait Annonce pas de liberté assez 55. De temps pour aller régler le problème qu'il aurait besoin de... C'est un problème donc qui prend un certain temps, parce que sinon, il aurait pu utiliser la brèche pour aller régler ce problème-là. Mais la brèche étant très courte, ça nous prend un problème assez grave pour que ça vaille la peine de construire une machine et un problème qui se règle en plus de temps que lui donnerait la brèche pour le régler. Exactement. Donc, on commence à avoir des paramètres plus précis. Oui. Il y a un film récemment, j'ai oublié le nom du film, ça vient de sortir, c'est un gars qui fait du time travel, mais dans son garde-robe. Jumper? Oui, non, ça vient... C'est une comédie romantique. Oui, qui se concentre avec son père, là, qui lui apprend que, exactement. Comment... Exactement, bathtub, time machine. Fait que eux ont rajouté d'autres éléments intéressants dans notre conception du voyage dans le temps, notamment que chaque petit changement fait que ça va être un autre spermatozoïde qui va féconder l'ovule. Fait que, tu sais, dès que tu changes un peu le moment de la four, là, ben, c'est pas le même enfant que tu... Effectivement, la théorie de retour vers le futur est vraiment peu probable, comme quoi, à partir du moment où tu changes le passé, ta photo s'efface tranquillement. Ouais. Mais non, excuse-moi, si t'interromps la rencontre de tes parents... Tu disparais immédiatement. Ouais. Tu n'as pas un laps de temps pour te rattraper. Attention, il faut voir ça. Est-ce que on voit ça... probabilité baissée, peut-être. Mais est-ce qu'on voit ça comme un caillou dans la mare qui fait des ondes et chaque cercle créé est une possibilité de temps futur. Donc, c'est pas parce que tu fais quelque chose maintenant que c'est automatiquement c'est effacé. C'est très complexe. Mais d'ailleurs, quelle série ou quel film avec des voyages dans le temps est irréprochable? Il y en a pratiquement pas. Moi, je trouve que Loopers, le film avec Bruce Willis et Norman Gordon Lewis, j'ai jamais vu ça. Et le film qui aborde le voyage dans le temps de manière le plus réaliste. Le plus probable. Bruce Willis est très fort dans les films de voyage dans le temps. 12 Monkeys. 12 Monkeys. Oui, ça c'était bon. Hein. Sinon, Colin. Community. Vous suivez, Community. Oui. C'est pas voyage dans le temps, mais c'est univers parallèle. Oui. Je pense qu'il y a, un peu de ça. Dans les paradoxes du voyage dans le temps, il y a les univers parallèles qui... Oui, très intéressant. Parce que je ne veux pas briser votre balloune, mais sinon, d'un point de vue scientifique, le voyage rétrograde dans le temps oui. est vraiment, vraiment très improbable parce qu'il faudrait abandonner ce qu'on appelle le postulat de causalité qui veut que l'effet ait obligatoirement lieu après la cause. Oui. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait admettre que le passé... vit encore. Oui, en fait, c'est ça que ouais. ça dit. Oui. Ouais. Oui. Il faudrait admettre que le passé est encore vivant. Mm-hmm. Donc, qu'il est encore non, malléable. Pas ça. Peut-être que. Non, mais ça, on admet que le présent vit toujours quand on va dans le passé. Ou on fait juste rewind sur toute la ligne temporelle. C'est-à-dire que quand tu retournes dans le passé, le présent n'existe plus. Tu comprends? D'un point de vue d'un point de vue cinématographique futur, comme, hein, comme tourner un disque là oui. tu le fais reculer ouais. faudrait avoir le contrôle absolu sur la notion de temps absolu c'est à dire que moi à partir du moment que je voyage dans le temps tout arrête mais quelqu'un avait déjà essayé de m'expliquer et ça avait été d'ailleurs un grand échec là, la notion que le temps n'existe pas que c'est une ouais. pure invention et que dans oui. le fond ça mais écoute mais là, il me donnait il me l'expliquait littéralement là j'ai eu plus de succès avec le saut quantique pour te dire à quel ouais. point que j'ai pas eu grand succès avec là. mais selon ouais. Selon la relativité d'Einstein le temps est relatif comme tout d'où vient l'hypothèse comme quoi ben ça, c'est vrai que le temps ne passe pas à la même vitesse. Oui. Plus on est haut, plus on va en hauteur, plus on se détache de ou la même gravité dépendamment terrestre. Dépendamment de notre vitesse. Dépendamment c'est une minute sur un rond de poil chaud et une demi-heure avec une jolie dame. Le temps est relatif. Ah, oui. Oui, c'est vrai, le temps est relatif. Ouais. Mais qui veut que si on accélère grandement la vitesse, par exemple, si on envoyait un homme voyager à la vitesse de la lumière, pour lui... le temps serait beaucoup plus long que pour nous. Dans le sens qu'une minute pour lui serait une heure pour nous. Mmh. Et ainsi de suite. Là. On suppose que si on envoie quelqu'un voyager longtemps à la vitesse de la lumière, il reviendrait ici, il n'aurait pas vieilli et il serait avec une population, son entourage qui aurait grandement vieilli. C'est une possibilité qui est une théorie qui se tient quand même bien. C'est la base de la planète des singes, je pense. C'est la base de la planète des singes. Après ça, il faut savoir comment on peut atteindre cette vitesse-là. Et puis, de deux, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, il y a juste une manière de freiner de le ralentir temps. L'avancée. Donc, non, mais si tu crées un... Moi, j'avais entendu parler de... Si tu crées un... pas un trou noir. En tout cas. Quelque chose, hein? Ouais, c'est ça. Regarde, je suis pas assez bien placé pour pouvoir en parler. Mais que le en théorie, le retour... non, mais si aujourd'hui, je crée un vortex je sais pas trop quoi... Polaire. Oui. Et regarde, là, je m'avance dans quelque chose non, mais qu'on m'a expliqué v'là 15 ans. Oui. Fait que je pense que je serais pas capable d'expliquer comme il faut. Je peux pas t'aider. Là. Non, il y a personne qui peut m'aider ici. On est peut-être mieux d'inventer des problèmes. Oui, mais sérieusement, je trouve que c'est le bon moment pour plugger mon livre. C'est la prémisse de mon livre. Le manuscrit. Oui, c'est vrai. Oui, que ouais. si t'avais pu... C'est ce que je pense avoir compris de la vie aujourd'hui. Et que j'aimerais me transmettre à moi-même si jamais quelqu'un invente une machine à voyager dans le temps ou quelque chose du genre. Mais Fred, je pensais à toi dernièrement. Je me dis, ton livre, là, ça fait quand même 4 ans que tu l'as écrit. Ouais. Ben, aujourd'hui, là, j'imagine que tu voudrais sûrement écrire quelques lignes pour Frédéric, il y a 4 ans, qui écrit un livre pour Frédéric à 15 ans. Mais tu sais quoi? Dans l'introduction de mon livre, j'explique c'est quoi le livre. Et là, je dis, et d'ailleurs, il devrait y avoir un vieux monsieur qui devrait m'apparaître bientôt. Oui, pour te dire. Pour me donner un livre semblable. Oui. Ouais. Mais tu pourrais faire des ajouts Internet sur ton site. En fait, je suis en train de penser à l'annexe. Ouais, donc. Parce que, ben justement, pour faire un peu de chemin là-dessus, Stephen Hawking, le célèbre physicien quadraplégique, lui, pour lui, l'absence justement de touristes venant du futur constitue l'argument solide comme quoi le voyage dans le temps est rétroactif. Impossible. Il dit, si c'était possible, on aurait forcément des voyageurs du futur qui viendraient nous prévenir, qui viendraient nous... Mais là, il n'y a pas une théorie, justement, que c'est pour ça que les extraterrestres ne voudraient pas rentrer en contact avec nous, au sens où ils savent l'impact que ça pourrait avoir d'être surpris. Donc, ils viennent faire du tourisme, mais à grande distance. Ils sont très, très cachés, si on veut. Ils nous observent de loin. Et des fois, sont moins bons que d'autres et on les spot. Ben quand on les spot, ils sont quand même très proches. Là. Je parle pas ceux qui ont fait des enlèvements et sondes. Il y a un épisode de Next Generation qui est comme ça. Ils se demandent s'ils doivent faire first contact avec une planète qui est sur le bord d'aller explorer ailleurs. Puis ils envoient du monde sur la planète. Puis il y a quelqu'un qui est découvert. Puis tout ça. Puis là, finalement, il fait non, on peut pas leur dévoiler qu'il y a d'autres vies, ils sont pas prêts, puis de toute façon, ça va devenir un mythe dans quelques années. Puis, Intéressant quand même. Je ne saurais trop lui. Mais clairement, danger mondial, non? Ça peut être un danger extrêmement personnel, là, peut-être. Aussi. Mais s'il a voulu, quels sont les circonstances où quelqu'un pourrait apparaître du futur et ne pas avoir le temps de finir de te raconter ce qu'il y a à te dire, qui disparaît. L'arracherait déjà à... Mais c'est ça, son portail est absolument pas stable. C'est pas une machine à voyager dans le temps qui est... Il est pas avec une machine là, qu'il fallait qu'il mette du plutonium dedans pour en repartir. Non, c'est vraiment... C'est plus un pacte avec... Il a mal géré son temps, là, en fait. Là. Ouais. Peut-être une autre théorie, c'est... L'homme du futur demande à Banjo de s'occuper quasiment dans l'immédiat, là, comme tu dois construire une machine à voyager dans le temps, parce que 5 minutes plus tard, il allait se faire frapper par une voiture, mettons. Ouais, 5 minutes plus tard, ça serait vraiment. Mais là, le futur, il n'aurait pas pu lui dire. Il a dit un vieux monsieur, il est tout nu. Ouais. Ça ne pouvait pas être. Il ne peut pas être mort. Non, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'est lui? Parce que ça change tout. Ouais. Mais à partir de... Je pense que il est pas très perspicace, Rémi, de la façon dont on nous en parle. Je pense que c'est lui. Ouais. C'est juste qu'il a pas été capable de se reconnaître. Si Rémi, à vue de pénis, en ce moment, se dit « Non, j'ai pas eu le temps de m'expliquer le message comme du monde, donc plus tard, je vais être plus concis dans mon choix de mots. » C'est pas la première fois. Il devrait revivre ce moment-là, forcément. Ça retourne. Puis là, moi, j'ai l'impression que c'est un once in a lifetime. Et peut-être que dans cette... dans cette version-là, Banjo pose la question à pas de problème, ce qu'il n'avait pas fait avant. Peut-être qu'une fois qu'il a construit la machine puis qu'il retourne, faudrait qu'il dise « Pose la question à pas de problème ». Mais il faudrait qu'il le demande autrement. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à reconnaître son pénis, là, le regarder de haut puis le regarder de face, c'est deux mondes. C'est vrai que c'est... pour avoir vu des photos de mon pénis... C'est sûr. Mais quand même, il n'y aurait pas... Même aussi, pour avoir vu des photos de ton pénis. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. Il fallait qu'il nomme la machine à voyager dans le temps. Ouais. Ça, c'est sûr. Il ne pouvait pas plugger, pas de problème, parce qu'on n'aurait pas su de quoi il parlait. La seule affaire qu'il y avait... Il parle de brèche, là. Je n'ai pas beaucoup de temps avant que la brèche se referme. Ouais, oui. Je serai bref. Tu dois absolument commencer à construire une machine à voyager dans le temps. Faut pas qu'il dise « je serai bref la prochaine fois ». Non, qu'il skip ça. Mais à la limite, le fait de l'avoir nommé Banjo Bouchon implique, implique pas de problème. Parce que c'est nous qui l'avons baptisé. Oui, mais peut-être que par la suite, Banjo Bouchon va devenir la manière dont ses amis, sa famille, ses proches, le monde en général l'appellent. Fait que peut-être que ça devient ça. Parce qu'il a commencé à faire des soirées philosophie dans les bars. Ouais. Peut-être. Pour remplir. Pour créer un emploi. Ouais, les fins de mois, pour arrondir les fins de mois. Ben oui. Et là, il a créé un mouvement mondial. C'est-tu moi au Benjo philosophique? Pogné, elle essaie de nous coincer là, de semaine après semaine. J'ai l'impression qu'elle essaie. Tu es en train de nous dire que ça pourrait ne pas être vrai? Non, ça je le crois. Je le crois sur parole. Ouais, Banjo, c'est un auditeur assez fidèle. Là. Il ne nous bullshitterait pas. Non. Mais quand même, il nous pose des sapres écoles. Il repousse le bouchon toujours plus loin. Oui. Je ne saurais trop lui conseiller de se procurer une DeLorean DMC-12. 12 automobiles qui a été construit entre 81 et 1983. Qui a fait ses preuves. Oui, qu'on connaît sous le nom de la DeLorean, qui a été tirée à seulement 8583 exemplaires. Donc aujourd'hui, quand même assez rare, qui est la voiture qui a été popularisée par le film, justement, Retour vers le futur, mais... Mm-hmm. Cabine téléphonique Bill and Ted. Ah oui. Bonsoir. Bill and... Ouais, effectivement. Ouais. Pip, pip, pip. Ça part dans le plancher. Mm. Mm. Puis le hot tub. Le hot tub time machine. Time machine. Quoi que c'est... Agréable en celui... plus de... C'est... Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de... Un petit plaisir. Hein. Mais ça serait quoi la meilleure machine à voyager dans le temps? Ben, il y a la machine à voyager dans le temps de Napoléon Dynamite. Le bot plug. Mais qui n'a jamais été réussi. Les deux cristaux avec, avec les deux petites prises de courant. Oui, ça, c'est celle qu'on peut acheter, celle qu'on peut acheter sur Internet. Ouais. Peut-être que le bot plug ne fait pas partie de la solution, mais est au contraire un problème. Parce que si Banjo, qui est un auditeur assidu, se met à utiliser ça comme, comme solution récurrente, peut-être que ça va gravement nuire à sa santé et va l'obliger de retourner dans le temps. Oui. T'es en train de douter de ta solution. Ben, je doute que c'est une solution qu'on doit appliquer dans tous nos problèmes. Ouais. Je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Extrêmement efficace! Extrêmement efficace! Mais... avec des effets secondaires. Ouais. C'est fou à quel point ce podcast-là est le plus geek, je pense, qu'on a eu depuis longtemps. Oui, hein, on parle métaphysique. Mais geek aussi de notre podcast. Là, c'est Mais bon, Banjo, c'est pas Banjo. Mais c'est parce que c'est difficile la question, là, trouver les problèmes. Moi, j'ai une solution, c'est fais le bien. Ouais. Tu sais, Google dit « Do no evil ». C'est un peu leur slogan informel. Ouais. Ça marche-tu? Moi, je trouve que c'est pas la bonne chose à dire. Non, c'est « Do good ». Fais le bien. Peu importe, fais le bien. Fais bien le mal ou fais non, le bien? Non, non! Fais le bien. Le bien. Le, OK. Ouais. Niaise pas que le fuck, en fait. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Exactement. Là, il va pour le Spider-Man avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Puis, machine à voyager dans le temps, c'est comme le pouvoir ultime. Là. C'est fait pas des farces. Tu penses que c'était ça le message du vieil homme au pénis indécryptable? Je pense pas qu'il était. Il y a un vieil homme qui t'apparaît, là. Tu dis oui, il est nu, mais tu y checkes pas. Mais c'est sûr, t'as un petit look sur le pénis. Mais il était peut-être derrière une clôture, je sais pas. Tu sais, un petit pénis particulièrement, mettons, bronzé ou particulièrement bouté. Rabougri. Mais il a pas pris la peine de le décrire dans sa description. Donc, c'est probablement pas un pénis si digne d'intérêt que ça, là. Peut-être qu'il n'y a pas de pénis. Ça serait digne d'intérêt. Ça, je le calerais. Ouais. En utilisant mon nom. Et en utilisant mon nom. Donc, déjà, il s'auto-proclame Banjo. Je veux dire, il dit en utilisant mon nom et l'homme l'a appelé Banjo. Donc, c'est déjà commencé. Ouais. C'est déjà commencé. Wheels are in motion. Ouais. Ça veut dire qu'on peut l'appeler Banjo dans une ruelle et il va se retourner. Ouais, ouais, ouais. La brèche se referme, donc je serai bref. Moi, je suis. Mon puits de connaissance est à sec. Là. C'est pas évident. Ça peut être mille affaires. Ça peut être mille affaires, en fait. C'est surtout ça. Moi, je veux dire, je vais bien t'aider à aller dans le temps, mais tu sais, là, comme je te dis, c'est peu probable que ça se passe. Fait que peut-être là, que c'est tout ça est une supercherie. Peut-être que tu étais victime là, d'un gros coup monté. Là. Quelqu'un, un vieillard qui est sorti d'un container. Ça serait un bon coup, pareil. Oui. Ouais. Non, mais comme il fait dans « Met Your Mother », là. Il fait ça pour croiser une fille. Il se déguise, il se maquille en vieux. Il vient voir une fille en lui disant « Il faut absolument que tu te reproduises avec moi plus jeune, nanana. Tu vas me reconnaître parce que je suis justement un jeune scientifique et je travaille sur des projets. » Il s'en va en courant et il revient habillé en lui-même. Puis il voit la fille, il se met à lui parler. Puis, ça marche. Moi, je le fais souvent rentrer dans un magasin ou dépanneur faire « On est en quelle année? » Prends un journal. Ouais. Tu regardes l'année. Ou c'est une blague des gens du futur de venir faire rocher le monde de maintenant. C'est juste ça. Tout va bien dans le futur. Oui. Ouais, oui, oui, puis lui, si ça se trouve, c'est juste un vieux con qui était tout nu, qui vient de niaiser le Ils se sont rendus compte que tout nu, ça punchait plus. Ouais. Fais-les tout nu la prochaine fois, tu vas voir. Le monde du passé, freak. Mais non, on est tous tout nus, mais ouais. Le linge a été aboli. OK, la prochaine fois, cligne pas des yeux. Non, mais est-ce que, justement, le Banjo Rémy est un philosophe, prof de philo, revenir dans le temps, aller voir ceux qui ont formé notre façon de penser et la philosophie, tu sais, aller en Grèce, peut-être que non. Agrandir ça. Ouais. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, je pense que c'est une question intéressante. Est-ce qu'il doit construire sa machine, admettons qu'on peut faire un voyage dans le passé, mm-hmm. Est-ce que c'est pour aller dans le passé ou dans le futur? Mais là, c'est une machine pour aller dans le passé. C'est pour aller dans le passé. Non, mais ta machine à voyager dans selon le temps, techniquement, moi, une bonne machine à voyager dans le temps va dans les deux. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'il aille dans le futur pour aller, par exemple, chercher un médicament contre le cancer pour revenir et le donner à une personne extrêmement importante qui va mourir et mettre la suite de l'humanité en cause? Ouais. Ou est-ce que plutôt il doit retourner dans le passé mais pour aller... Mais cette personne-là, extrêmement importante, oui. Peut-être qu'après... Elle va faire en sorte que quelqu'un va avoir un enfant puis va être le prochain Hitler. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'aller dans le futur. Oui. Commencer par dans le futur. Retrouver ce vieillard sans vêtements. Puis lui demander qu'est-ce qu'il voulait exactement. Qu'est-ce que tu voulais, mon gars? Tu m'as fait rusher, là. Ça fait une semaine que j'essaie de confectionner cette machine-là. Le futur est extrêmement vaste. Il pourrait passer toute sa vie à le chercher. Le futur est effectivement... Il n'y a pas précisé d'année qui peut rechercher longtemps. Mm. Sur Twitter, on a Jess Chaplot qui a écrit « Reculer au 1er juin 93 et remettre un condom au père naturel de Justin Bieber. » C'est déjà pas mal. Il y a 3 bières qui nous a écrit « Pour profiter des gens, choses qui n'existent plus, comme la DAO. » Oui, la DAO. Ou un dodo. Oui. C'est l'oiseau, là. Oui, oui. Pierre-Luc, aussi de Trois-Bières. S'il n'en veut pas, je vais prendre et utiliser... S'il n'en veut pas, je vais la prendre et l'utiliser, utiliser un almanach pour gagner un pari sportif et devenir riche. Ouais. Hein? On a nos références. On a regardé les mêmes films. Marqué l'imaginaire, ce film-là. Mm-hmm. Complètement. Vous savez que... C'est John Williams aussi, non? Non, ouais. C'est Robert Zemeckis. Oh. Non, c'est Robert Zemeckis qui a réalisé, mais la musique est de John Williams. Ouais. Ah oui, c'est ça. OK, oui, je me suis trompé. Okay, c'est pas Alan Silvestri, non. C'est John Williams, c'est vrai. En tout cas, si jamais t'as une machine à voyager dans le temps, arrange-toi pour qu'il y ait des jazz jusqu'à 13, puis le hoverboard, puis les souliers. Ah, les souliers qui se lancent tout seuls existent déjà. Ils se lancent pas tout seuls, par exemple. Oui, non? Ils se lancent tout seuls. Ah oui, ils se lancent tout seuls, c'est vrai. Puis il y a hoverboard. L'hoverboard, il vole pas encore. Mais il reste à même place. Ouais, il y a des aimants, mais tu peux pas avancer ben avec ça. Je sais même pas si tu peux monter dessus. Sinon, les panneaux de publicité 3D. Oui. Le code qui change de couleur. Non, le code qui se rétracte à ta grandeur et qui se sèche automatiquement une fois mouillé. C'est bon, mode des poches sorties, la casquette qui un peu change de couleur. La mode des poches sorties, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu un retour, par exemple, des poches qui dépassent des shorts coupés trop courts. C'est Alan Silvestri qui a fait la musique. C'est vrai? Retour à la future. Hey, ça, c'est un bon call, man. Alan Silvestri, tu l'as gunné. Je l'ai gunné. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Alan Silvestri? Forrest Gump. OK. Et La mort vous va si bien. Ah! Ouais. Hey, il est fort. That becomes her. Est-ce qu'on a des solutions, là? On va finir ça. Pour vrai, j'en ai pas de solution. C'est comme... Ça me dépasse. Je l'ai, ta solution, Rémi. Tu sais, rendu dans le futur, là, tu vas avoir des solutions à ce problème-là. Reviens dans le temps, nous donner tes solutions pour qu'on puisse te les donner. Oh! Utiliser la machine. Oui. Voilà. Donc, c'était ma solution. Ultimate. Team. Oui. The ultimate solution. Qui nous inclut tous. Oui. Oui. Quoique, ouais. Moi, aller dans le passé pour me ramener une copie de Hungry Hungry Hippo, je trouverais ça cool. Ça se trouve encore. J'en ai un chez eux. J'en ai un chez nous. Il est cher. Ah ouais? Non, je sais pas. Il est rendu cher. C'est là qu'il est rendu cher. Sur eBay. Parfait. Ben là-dessus, sur cette chanson, messieurs, dames, envoyez-nous vos problèmes sur notre groupe Facebook ou sur notre page fan. Et par Twitter ou podproblème@gmail.com. Allez sur iTunes ou Balado Québec pour nous offrir vos meilleurs vœux. Non, 5 oui. Ou rien, 5 ou rien. On veut 5 ou rien. Oui. Et là, quand on dit rien, c'est rien, là. Hein? Ouais, c'est même pas sur zéro, Balado. C'est oui. Rien. Et puis, pour les t-shirts et des dons, allez sur l'instab.com. Et venez nous voir à la Lime oui. les dimanches soirs au Lion d'Or. Oui. On va faire des impros de voyage dans le temps. Oui. Ouais, puis moi, c'est mes impros préférés, sans farce. J'en ai fait beaucoup et j'adore ça. Ça peut être très cool. Ouais, puis ça peut être très niaiseux aussi. Oui. Voilà, Mathieu, as-tu des choses à dire? Profitez du moment présent, c'est tout ce qu'on a, gang. Et habillez-vous pour l'amour. Oui. Parce qu'un pénis, là, ça devient une énigme. Quelqu'un peut inventer des vêtements qui voyagent dans le temps, s'il vous plaît? Merci. Hein? Mes jeans m'ont amené au médiéval. Attends, peut-être que dans le futur, les gens auraient été habillés. Oh. Mais mon Dieu, l'industrie du vêtement va tomber. Ou le linge du futur, on n'est pas prêt à voir ça. Ça nous rendrait fou. Linge infrarouge. Ou les vêtements du futur se portent à l'intérieur. Vlang! Le mot de la fin. Red. Vous avez un problème. Nous avons un podcast. Arrêtez ce podcast!